En Espagne, à l'occasion des 22 ans du décès du président Kim Il-sung, il y a eu le symposium sur l'œuvre classique du général Kim Jong-il, honorant à jamais le président Kim Il-sung et menant son œuvre jusqu'à son achèvement au Cercle d'études des Instituts de Madrid, et le symposium sur l'œuvre classique du maréchal Kim Jong-un, le grand président Kim Il-sung est l'éternel leader de notre parti et de notre peuple, au Cercle d'études des Instituts de Basque.